Today, 13th of June, year 2017, on Tuesday. Yesterday, we mentioned of in the Dhamma talk, the jhanic factor and the nivarana factor, how to overcome and how to opposite of each other to take over. Today we have to mention of jhana to the jnana. Jnana is a wisdom. Nous sommes aujourd'hui le 13 juin 2017, mardi. Hier, nous avons parlé des facteurs jhaniques et des empêchements, les nivaranas. Nous avons vu comment les surmonter. Nous avons vu qu'ils étaient l'un pour l'autre, respectivement, des antidotes. Aujourd'hui, nous allons parler de jnana, la sagesse. Jnana, c'est donc la sagesse, c'est comprendre la réalité. Et ceci est très important pour les yogis qui recherchent la vérité. Avant que le Bouddha n'atteigne l'illumination en Inde, les ascètes pratiquaient dans le but d'atteindre le quatrième ou le cinquième jhana. Et bien souvent, ils avaient en plus les pouvoirs supranormaux. Ils connaissaient leur vie antérieure, ils pouvaient lire dans l'esprit des autres, etc. Tout ceci, c'était donc avant que le Bouddha n'atteigne l'illumination et la sagesse. Mais ces personnes qui pratiquaient donc les jhanas ne comprenaient pas la réalité. Ils ne comprenaient pas correctement le fonctionnement du corps et de l'esprit. Après son illumination, c'est le Bouddha qui a enseigné ces choses, et il y a de cela 2600 ans. Avant l'arrivée du Bouddha, les gens cherchaient la vérité et ils cherchaient par la voie des jhanas. Ces gens se prétendaient omniscients. En pali, on dit Sabbe Nyota. Le Bouddha est né en 623 avant Jésus-Christ dans une famille royale en tant qu'être humain. À 16 ans, il a été marié. Il a ensuite passé quelques années au palais de son père et avait accès à tous les plaisirs possibles. À l'âge de 29 ans, il venait d'avoir un fils, il décida de renoncer. Il quitta donc le palais de son père pour se mettre en quête de la vérité. Il alla voir des professeurs qui enseignaient la méditation sur les jhanas. Le Bouddha pratiqua sous la guidance de ses professeurs. Il pratiqua en tant qu'être humain. Quelques semaines plus tard, il réussit à atteindre les niveaux les plus élevés de ses pratiques. Mais il n'avait toujours pas compris comment se débarrasser des pollutions mentales, comment il allait faire pour surmonter la souffrance. C'est pourquoi il quitta ses professeurs et se mit à travailler tout seul. À l'âge de 29 ans, le futur Bouddha renonça donc au monde pour se mettre en quête de la vérité. Il pratiqua pendant 6 ans sous la direction des maîtres de l'époque. Il souffrit beaucoup pendant ces 6 années. Il pratiqua les austérités comme le faisaient les ascètes à l'époque. Mais il n'avait toujours pas atteint son but. Il se mit donc à pratiquer tout seul et à la pleine lune du mois de mai, il atteignit l'illumination. La pleine lune du mois de mai, c'est la fête du Vesak. Vous en avez déjà sans doute entendu parler. Cette fête du Vesak commémore la naissance du Bouddha, son illumination et sa mort. Le Bouddha avait donc découvert la méthode qui allait lui permettre de comprendre la réalité. Et cette méthode, c'est le chemin du milieu. On l'appelle le chemin du milieu parce que c'est le chemin qui évite les deux extrêmes, le premier étant de pratiquer les austérités, de s'infliger à soi-même toutes sortes de souffrances. Le deuxième extrême consiste à rechercher le bonheur dans les plaisirs sensuels. Mais ni l'une ni l'autre de ces méthodes ne permet d'atteindre l'illumination. Le Bouddha donc a commencé sa vie au palais de son père. Il a eu accès à tous les plaisirs possibles. Il a ensuite renoncé et a pratiqué un deuxième chemin, celui de la mortification. Il s'est infligé toutes sortes de souffrances. Ce chemin était évidemment très dur. Mais ni le premier chemin ni le deuxième ne lui ont permis d'atteindre l'illumination. Il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup d'ascètes cherchaient à se débarrasser des pollutions mentales, des kilesas. Et il y avait toutes sortes de méthodes qui existaient à l'époque pour y arriver. Par exemple, certains de ces ascètes ne portaient pas de vêtements, ils étaient toujours nus. Et ils le faisaient dans le but de diminuer l'attachement en eux. Actuellement encore, ceci peut être constaté en Inde. Ces ascètes étaient donc tout nus, dans le froid. Ils avaient tellement froid que leur esprit était accaparé par cette souffrance et le désir ne pouvait pas se manifester, le désir sensuel. C'est de cette façon qu'ils espéraient éliminer l'attachement et le désir. Et s'il faisait chaud, car cela arrivait aussi qu'il fasse très chaud, ils s'asseyaient en plein soleil à midi et ils allumaient un feu aux quatre points cardinaux. Ils transpiraient abondamment et souffraient énormément. Ils espéraient ainsi également rendre impossible l'apparition du désir dans leur esprit, étant donné que cet esprit était accaparé par la souffrance. C'est de cette façon qu'ils pratiquaient pour se débarrasser des kilesas. Il y avait également d'autres pratiques comme le jeûne par exemple. Ils se privaient de nourriture, parfois pendant une journée, parfois pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, toujours dans l'espoir de se débarrasser des impuretés mentales. Mais tout ceci était inutile et ne leur permettait pas d'arriver à cette éradication des kilesas. Le Bouddha comprit donc que ces deux premiers chemins étaient à éviter. Ils ne permettaient pas d'atteindre la libération. Il se tourna alors vers le chemin du milieu. Il se mit à pratiquer la méditation et à vivre de mendicité. Le jour de la pleine lune du mois de mai, son esprit était concentré sur l'objet et petit à petit, progressivement, il développa la compréhension. Pour y arriver, il dut endurer toutes sortes de souffrances. Il dut vaincre beaucoup de difficultés. Mara l'attaqua à plusieurs reprises. Mais le Bouddha vint à bout de toutes ces difficultés. Et ce fameux jour de pleine lune du mois de mai, pendant la première partie de la nuit, il obtint le pouvoir de connaître ses vies antérieures. Pendant la deuxième partie de la nuit, il obtint ce que l'on appelle en pali Devachakku, l'œil divin. Cet œil divin lui permettait de voir non seulement ses vies antérieures à lui, mais également la vie antérieure des autres êtres, de tous les êtres, de voir la succession des existences de tous ces êtres. Il était capable de voir les esprits, de voir les devas, de voir les brahmas. Et enfin, le Bouddha réalisa la connaissance qui lui permettait de comprendre à fond et complètement le caractère transitoire des phénomènes, le caractère insatisfaisant des phénomènes et le caractère insubstantiel des phénomènes. Il était capable de voir l'interaction entre l'esprit et la matière. Il avait compris à fond le fonctionnement du corps et de l'esprit. Il réalisa ainsi l'illumination et se débarrassa de toutes les formes de pollution mentale. Il avait atteint ce que l'on appelle en pali Asavakayanana. Il avait donc acquis la connaissance qui lui avait permis d'éradiquer toute forme de kilesa. Il avait également acquis l'omniscience. Il était devenu capable de comprendre absolument tout dans l'univers tout entier. il avait réalisé cette illumination sous l'arbre de la Bodhi. Il resta alors assis sous le même arbre de la Bodhi pour réfléchir à ses réalisations. Il resta ainsi assis pendant 7 jours, sans bouger, jambes croisées, sans manger. Après 7 jours, il se leva et passa 7 autres jours à simplement regarder l'endroit où il était devenu un Bouddha. Il resta là, debout, sans bouger, sans même cligner des yeux. Après s'être tenu debout devant l'endroit où il avait atteint l'illumination, il passa 7 autres jours à pratiquer la marche. Si on se rend en Inde, on pourra voir tous ces endroits. Après avoir marché pendant 7 jours, il passa 7 autres jours en méditation assise, en posture assise, et il réfléchit à l'Abhidhamma. L'Abhidhamma, ce sont les traités qui parlent de l'esprit, de la matière et de Nibbana. Il acquit ainsi la connaissance de l'Abhidhamma, il réfléchit à l'Abhidhamma, et à cause de cette connaissance, des rayons lumineux commencèrent à émaner de son corps. Le Bouddha passa ensuite 7 autres jours à réfléchir à ses réalisations sous un banyan. Ensuite, 7 autres jours, tout près d'un lac qui portait le nom d'un dragon. Pour ne pas mentionner l'histoire dans son entièreté, ce qui serait trop long, sachez que c'est à ce moment-là que le Bouddha a été protégé par un serpent cobra. Il pleuvait fort, il y avait de l'orage, et ce serpent s'est donc placé derrière le Bouddha pour le protéger de la pluie. Le Bouddha passa ensuite 7 autres jours à l'ombre d'un grand arbre. C'est là qu'il rencontra 2 marchands birmans. Ces 2 marchands birmans avaient été prévenus par la personne qui avait été leur mère dans leur vie antérieure et qui était devenue une déva. Cette déva donc leur est apparue et leur a suggéré d'aller offrir le repas à ce moine qui était là, à l'ombre de ce grand arbre. Ce moine qui avait une attitude très noble, un visage très serein, lumineux. Et la déva expliqua à ces 2 marchands birmans que s'ils offraient le repas à ce moine, ils en retireraient de très grands bénéfices. Les 2 marchands birmans offrirent donc le repas à ce moine, qui était en réalité le Bouddha. Le Bouddha leur donna un sermon, après quoi les 2 marchands demandèrent de pouvoir prendre refuge auprès du Bouddha. Il faut savoir qu'à l'époque, la Sangha n'existait pas encore, la communauté des moines. Il n'y avait que le Bouddha et le Dhamma. Les 2 marchands birmans prirent donc refuge dans le Bouddha et dans le Dhamma. Ils demandèrent également au Bouddha de leur donner quelque chose en souvenir de cet événement. Et c'est alors que le Bouddha leur donna 2 de ses cheveux sous forme de reliques. Et les 2 marchands birmans ont placé ces reliques dans la pagode de Shvedagon à Rangoon. Le Bouddha repensa ensuite à toutes les réalisations qu'il avait faites à propos de Anatta. Il n'y a pas d'entité permanente, pas d'atta, il n'y a à l'intérieur de soi que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux, des namas et des rupas, il n'y a que des causes et des effets. À l'époque, personne n'était en mesure de comprendre cela, parce que les gens ne croyaient qu'à des concepts. Le Bouddha se rendit donc compte que ce serait très difficile d'enseigner ce qu'il avait réalisé. Il réfléchit alors à qui il pourrait bien enseigner tout ce qu'il avait compris. Il repensa à ses anciens professeurs, Alara et Udaka, qui lui avaient enseigné les jhanas. Il se dit que ces 2 ascètes seraient probablement capables de comprendre facilement, étant donné leur réalisation des jhanas. Mais un déva l'avertit que Alara était mort 7 jours auparavant et que Udaka était mort la veille. Le Bouddha put confirmer ses dires grâce à son œil divin. Effectivement, ces 2 professeurs étaient morts. Il se dit que c'était une grande perte pour eux puisqu'ils avaient raté l'occasion de se libérer. Il repensa alors à ses cinq anciens compagnons, les cinq ascètes, avec qui il avait pratiqué les austérités pendant 6 ans. Mais ces cinq ascètes, en fait, l'avaient abandonné, croyant que, comme le futur Bouddha avait abandonné les austérités, qu'il s'était remis à manger, ses anciens compagnons pensèrent qu'il ne valait pas la peine de s'y intéresser, et ils l'avaient donc abandonné. Le Bouddha décida malgré tout de se rendre chez ses cinq anciens compagnons. Il entreprit un voyage d'une cinquantaine de jours pour les rejoindre à l'endroit où ils résidaient à l'époque. Et le jour de la pleine lune du mois de juillet, 2 mois après son illumination, le Bouddha délivra son premier sermon, le Dhammacakkappavattana Sutta, à ses cinq anciens compagnons. Il leur enseigna comment développer la sagesse. Il leur parla des quatre nobles vérités, du noble octuple sentier, de la voie du milieu qui permet de développer la compréhension de la réalité et d'atteindre l'illumination. Demain, nous parlerons de ces jnanas. The Buddha preached Dhammacakkappavattana Sutta. That is about the jnana and how to reach to this jnana, the four noble truth and eightfold noble path, and go to the middle way to reach to the understanding of the reality. This is to reach to the enlightenment. So, in Migadhavana, then so what the Buddha keep on preaching of this Dhammacakkappavattana Sutta, tomorrow I will continue on that.